Bonjour, la rubrique d'Aimé Bonaparte, est-ce que c'est ici, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas ici. Ici, c'est pour les cadeaux. Maintenant, c'est les cadeaux.